Bosoy, Dabu Fatu, ye top model. Chérie Maria, Lela na komi pastan e panaya, bona zanginde mousolo. Popo sani le temps passé, papa si royonga ina mona ponaya, bolingwe pesinga ta merci terre. Chérie Maria, Lela na komi pastan e panaya, oh mama, bona zanginde mousolo. Obo sani le temps passé, papa si royonga ina mona ki mpona ya, boni wepe singa ta merci terre. Papa poti bayo ba fingi ma pauvre malheureux, mobola na zanga, ela kani nyango na zalina yango, o na koki to pesa na ya, wakala bako kutanga na ya li susu na zela, bako chavi na ngana danje. Un jour à cause wow, bana moloka yo, oh, oh, oh.